Chapitre 5e. La Seine coulait rapidement entre ses hautes berges, avec des remous de moire sombre où les réverbères mettaient çà et là des paillettes et des traînées lumineuses. Les bateaux-mouches allaient et venaient comme de gros animaux fantastiques, quittant et abordant les pontons avec une activité lourde et régulière, et leurs lanternes blanches ou rouges se réfléchissaient au loin sur le fleuve avec des clartés de feux de Bengale. Ce Paris fluvial, banal le jour, prend le soir des apparences mystérieuses. Au travers des arceaux des ponts de fer, sous les lourdes arches des ponts de pierre, s'allongent des ombres qui semblent se prolonger jusqu'à l'infini. Les masses d'architecture se découpent, massives sur le fleuve, presque phosphorescent, et par-dessus tout cela, les grands peupliers des berges dressent leurs pyramides épaisses de verdure noirâtre. À mesure qu'on s'éloigne du pont neuf en remontant la Seine, un calme relatif s'établit, la navigation est plus rare, les rives moins larges, on ne rencontre plus tant d'arbres et le mystère disparaît. Cependant, le long des quais de l'île Saint-Louis, les vieilles maisons dressent leurs façades silencieuses et massives, leurs pignons bizarres, percés de fenêtres irrégulières, s'étoilent le soir de lampes modestes. Les travailleurs de la nuit, ceux qui ont besoin de repos et de silence, aiment ces heures et ces maisons tranquilles. La mélancolie semble avoir élu son domicile dans cette sorte d'oasis, la seule que le bruit et le mouvement de la grande fourmilière lui aient ménagée. Paul Brécard parlait à Camille de mille choses modernes, et elle, ne pensant qu'au passé, elle lui répondait d'une façon distraite, pendant que sur ses lèvres se pressaient des questions brûlantes. Enfin, la traversée d'une rue ayant coupé le fil de leur conversation, après un court silence, elle parla. « Vous êtes heureux, monsieur Paul ?» lui dit-elle d'une voix basse et presque tendre. Le jeune homme la regarda attentivement à la lueur d'un réverbère. Le beau visage, aux traits réguliers, un peu froid, conservait sa placidité ordinaire, et cependant, il sentait un instinct de réserve arrêter sur ses lèvres l'élan de confidence prêt à jaillir. Il y a des moments dans la vie où, sans que rien puisse le justifier, un besoin de prudence vous saisit et vous glace. On regarde autour de soi, et souvent on aperçoit un danger caché que rien ne faisait prévoir. « Nous sommes parfaitement heureux, » répondait-il avec calme. « Je n'aurais jamais cru que Claire fût la femme qui vous convenait, » reprit Camille, poussée malgré elle à se trahir. « Vous étiez enthousiaste, un peu poète, un peu peintre, très musicien. Vous aimiez les choses grandes, les entreprises hardies. Votre instinct vous poussait vers les sommets. J'avais toujours pensé que vous épouseriez une héroïne de roman. » La main qui reposait sur le bras de Brécard trembla légèrement à ces derniers mots prononcés d'un ton ironique. « Ma femme, » dit-il gravement, « est l'héroïne de mon roman. »« Parfait !» s'écria Camille en éclatant de rire. « On ne saurait mieux répondre à une question indiscrète. Je vous remercie de la leçon, monsieur. Elle est gracieusement donnée, mais c'est une leçon. Après tout, il se peut que je l'ai méritée. Mademoiselle, ne vous défendez pas. Je l'avais méritée, assurément. Sans quoi, un homme aussi parfaitement élevé me l'eût-il infligé? D'ailleurs, je ne vous en veux pas. Si vous l'avez mérité, mademoiselle, vous avez quelque grâce à ne pas m'en vouloir, car ce sont les ennuis mérités qu'on pardonne le moins. Toujours philosophe, explorateur du cœur humain, vous êtes bien le même, monsieur Brécard. Eh bien, au risque de vous déplaire encore une fois, je réitérerai ma remarque. Je ne puis comprendre que vous ayez épousé Claire, à moins que ce ne soit pour sa beauté. Elle était extrêmement jolie. Son seul défaut, à ce que j'aurais cru du moins, était d'être riche. Vous avez tant chanté les douceurs de la pauvreté. « Je suis riche aussi, » répondit gaiement le jeune ingénieur. « Savez-vous que je gagne plus de 15 000 francs par an? C'est moi qui suis le Crésus à présent. La dot de Claire n'est plus qu'un appoint. Mon beau-père n'en revient pas. « Ah, vous êtes si riche ?» murmura Camille. Le sentiment qu'elle éprouvait à cette nouvelle n'était pas de l'envie, mais une sorte de tristesse. La différence de fortune était une séparation de plus entre elle et ces gens heureux. « Oui, » reprit Paul, « et je vous assure que nous nous en arrangeons fort bien. La pauvreté est très poétique dans les romances, mais dans la réalité, rien n'est plus prosaïque, je vous le jure. » « Pourtant, » répondit Camille en relevant fièrement la tête, « celui qui se trouve riche avec peu est plus libre et plus heureux que celui qui a besoin de luxe. Ah, mademoiselle Camille, les théories! Méfiez-vous des théories. Il n'y a rien au monde de plus fallacieux. » Ils étaient arrivés devant la porte des époux Froger. Camille dégagea son bras, remercia M. Brécard et disparut sous la porte. Paul alluma un cigare et s'en retourna chez lui, du pâle lest d'un homme débarrassé. Tout en arpentant les quais, il repassait dans sa mémoire la singulière conversation qu'il venait d'avoir avec la jeune fille. Il resta perplexe. Était-ce un esprit faussé ou simplement une âme aigrie? Les souvenirs qu'il avait d'elle étaient fort lointains et assez vagues. Dans le temps où il l'avait connue, préoccupé uniquement de deux idées qui n'en faisaient qu'une, obtenir la position qui lui permettrait d'épouser Claire et cacher son amour à tous les yeux, il avait vécu comme dans un rêve et participé à l'existence des autres, à peu près comme le spectateur participe à la vie des comédiens qui représentent une pièce devant lui. Encore était-il bien loin d'y prendre tant d'intérêt. Ne se croyant pas digne d'attention, il ne s'était jamais demandé ce que pensaient de lui les êtres que son sort ne touchait pas directement. Aussi trouvait-il singulier que cette jeune fille le connût si bien, eût gardé de lui un souvenir si net, quand il la croyait uniquement l'amie de sa femme. Mais après tout, l'existence de Camille lui importait peu, et en arrivant chez lui, il pensait à toute autre chose. Il trouva sa femme assise auprès du petit lit de Félix, qui dormait profondément. Une lampe, voilée par un abat-jour, jetait une clarté douce et paisible sur les objets familiers et charmants de cette chambre aimable. Les rideaux semés de fleurs des champs, les fauteuils commodes, les glaces qui réfléchissaient mystérieusement les dorures éteintes par le demi-jour, ce berceau drapé de blanc et de rose, cette jeune et charmante femme qui avait quitté sa toilette de jour pour un peignoir garni de broderies flottantes, et surtout cet enfant qui dormait de toutes ses forces, les petits poings fermés, le visage rosé par le sommeil, l'ombre de ses longs cils formant une raie noire sur ses joues rondes et fermes, tout cet ensemble mit au cœur de Brécard la joie intense et inexprimable du père de famille. Il se pencha sur Claire, qu'il pressa longuement contre son cœur, effleura d'un baiser les cheveux bouclés du dormeur, qui fit le geste de chasser une mouche, et s'assit auprès de sa femme, dont il garda la main dans la sienne. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda celle-ci d'un air à moitié endormi en déposant le livre qu'elle lisait. « Rien d'intéressant. Elle est un peu... Dis-moi ce qu'elle est un peu. Tout seul, je ne trouverai pas le mot. »« Elle est un peu vieille fille, » répondit Claire. « Et ce n'est pas sa faute, après tout. Elle n'a jamais été heureuse et ne paraît pas en train de le devenir. J'ai pitié d'elle. Au fond, ce n'est pas sa faute si... » Elle regarda longuement son mari avec une indicible tendresse et l'attirant plus près d'elle. « Sais-tu, » dit-elle à voix basse, « ce qu'on disait à Saint-Martin après son départ pour Paris ?»« Non, » fit le jeune ingénieur en levant les sourcils d'un air interrogateur. Claire sourit et passa ses doigts effilés sur la joue de son mari. « Vous êtes le plus grand destructeur de murailles qui ait jamais existé, » dit-elle. « Vous fondez jusqu'aux murailles de glace. » « Est-ce de ton cœur que tu parles ?» demanda Paul en souriant. « Non, le mien n'était pas en glace, il était en feuilles de rose, et vous y êtes entré sans coup férir. Mais on disait à Saint-Martin que Camille aimait quelqu'un qui ne l'aimait pas, et qui ne s'en était jamais douté. « J'espère bien que ce n'est pas moi, » s'écria Brécard en bondissant. « Chut !» fit sa femme en mettant un doigt sur ses lèvres. « Tu vas réveiller bébé. C'était toi-même. Ô diable, les cancans de province !» répliqua Paul en se rasseyant. « Quelle est la vieille imbécile qui a inventé cela ?»« C'est tout le monde en général et chacun en particulier. Tu ne t'en étais jamais aperçu. »« C'est-à-dire qu'à l'heure présente, je n'y crois pas, » répondit le jeune homme d'un ton bourru. « Triste vérité. Il faudra cependant y croire, car pour moi, ce n'est pas douteux. Je t'avouerai même, mon cher mari, que l'un de mes triomphes a été de me voir préféré à elle. Tu étais si assidu, elle était si jolie, que je t'en croyais bel et bien amoureux. Juge de ma joie lorsque j'appris que c'était moi, l'élu. » Les yeux rayonnants de Claire cherchaient ceux de son mari qui la baisa au front avec tendresse. « Pourquoi m'as-tu dit cela ? » reprit-il après un silence. « Il m'a semblé que tu devais le savoir. Est-ce que tout ne doit pas être clair entre nous ? Ne sommes-nous pas convenus de nous dire tout sans exception ? » ?»« Mais, ma petite femme, » fit observer Brécard, « c'est le secret du nôtre que tu viens de me confier. »« C'est aussi le nôtre, puisqu'il te touche, » répondit simplement Claire. Elle avait peur cependant d'avoir déplu à son mari, et pendant un moment, elle interrogea le visage du jeune homme, plus grave et plus soucieux que de coutume. il tourna enfin ses yeux pleins de douceur sur la compagne de sa vie. « Je crois, dit-il, que malgré tout tu as bien fait de me le dire. Je serais plus prudent, mais tu aurais dû me prévenir avant de l'inviter. Il eût peut-être été plus sage de ne pas renouer des relations plus qu'à demi rompues. Nous l'aurions rencontré un jour ou l'autre, fit observer la jeune femme. C'était inévitable. N'est-ce pas, Paul, que c'est bon d'avoir confiance l'un dans l'autre, de tout se dire, de partager les mêmes idées, les mêmes amitiés? Je l'aime, au fond, cette singulière Camille. C'est ma plus ancienne amie. Et puis, sais-tu, elle est très bonne. À Saint-Martin, c'est elle qui veillait les malades, qui ensevelissait les morts. Elle a fait bien des charités que personne n'aurait faites, pas même les sœurs de l'hospice. Son père lui laissait beaucoup de liberté, et elle travaillait pour les pauvres. On ne se figure pas la quantité de petits bas que je lui ai vu tricoter un hiver qu'elle avait des engelures, et que chaque maille lui causait une douleur. « Elle aimait cela, je présume, » répondit tranquillement l'ingénieur. « Oh, Paul, voilà une méchanceté !»« Mais non, ma chère. Quand un être doué de raison s'acharne à faire une chose qui lui nuit, sans qu'il y ait de nécessité absolue, c'est qu'il y trouve une satisfaction quelconque. Cela va sans dire, mais c'est une satisfaction morale, celle de faire le bien. » Paul secoua la tête. Il avait encore quelque chose à dire, mais il préféra le garder pour lui. « Tu n'as pas l'air convaincu, » insista sa femme. « Dis-moi tout ce que tu penses. Tu sais que c'est convenu. » « Eh bien, si tu veux le savoir, je pense que c'est là une affaire de nerfs et d'orgueil à la fois. On travaille avec des engelures parce que les nerfs surexcités ont besoin de mouvement, et l'on a le plaisir de se trouver supérieur au reste de l'humanité parce qu'on se compare aux martyrs. On fait ainsi ce que tout le monde ne peut ou ne veut pas faire, et l'on prend en pitié les gens méprisables, comme toi et moi, qui mettent de la glycérine sur les engelures et qui aiment les petits pois. Affaire de nerfs et satisfaction d'orgueil. » Claire garda le silence. Au bout d'un moment, elle reprit d'une voix timide. « Paul, si Camille te déplaît, je ne l'inviterai plus. Rien n'est plus facile, et je ne voudrais pas t'exposer à rencontrer chez nous une figure antipathique. » La forme svelte, les traits de statue, le sourire sardonique de Camille passèrent rapidement devant les yeux du jeune homme. « Mais elle ne m'est pas antipathique, ma chère petite femme. Elle est fort bonne à voir. Je la trouve curieuse et originale. » Très amusante à étudier avec cela. Seulement, je ne m'associe pas à l'idée de la haute perfection que tu lui prêtes. C'est une faible mortelle comme nous, et qui sait, peut-être plus faible que nous.